d'expérience. Faut pas suivre la tendance. J'ai pas envie de vous aborder mes remords malgré mon petit dos. Je vous remorque. C'est les conseils d'un oncle avec plus d'expérience. Faut pas suivre la tendance. J'ai pas envie de vous aborder mes remords malgré mon petit dos. Je vous remorque. Mes erreurs sont pour vous une sonnette à l'âme. J'ai des conseils à vous donner pour vous éviter la panne. À votre âge, les amourettes sont pour vous de passage. Mais c'est là où il y a le plus de pourcentage de dérapage. Les fréquentations font s'en contenter de peu. Moi sur une main, tu peux couper trois doigts et tu verras que j'en ai que deux. Les amis et les collègues, faut pas les mettre dans le même sac. Car les coups dans le dos, vous allez ressentir violemment les impacts. Avant d'attendre les efforts des autres, corrigez les vôtres. Et vous ressentirez déjà les effets de l'antidote. Agissez pour votre bien, pour ceux qui vous épaulent honnêtement. Gardez ce degré de respect pour défendre vos opinions face aux parents. Votre révolte, je pourrais la comprendre. Mais est-ce que c'est d'autrui, vous êtes capable de l'entendre? Pour prendre les meilleures décisions, pensez logique. Pensez pas par fierté, parce que c'est là où on y voit les risques. Personne n'atteindra la ligne de la perfection, mais le juste milieu, c'est le plus proche de l'arrivée que toute solution. Solution, solution, solution. C'est les conseils d'un oncle avec peu d'expérience. D'expérience. Faut pas suivre la tendance. J'ai pas envie de vous aborder mes remords malgré mon petit dos. Je vous remorque. C'est les conseils d'un soit commis pour en faire réfléchir. Quand le cerveau se met en marche, les jambes peuvent se mettre à fléchir. La motive, on la perd souvent quand on n'est pas fier de soi-même. On se renferme et certains, c'est comme ça qu'ils se grillent en tête. En étant sincère, j'ai pas eu affaire à la crise d'adolescence, à l'abandonner car le tête-tête pour elle était perdu d'avance. En général, les erreurs on les fait pas deux fois. Mieux vaut éviter la première fois car elle y laisse souvent des poids. Elle te fait perdre toute confiance à autrui. Je dirais même que c'est cette envie de vivre qu'elle te détruit. Alors protégez-vous des coups en direction de la nuit. Esquivez même le fantôme, moins vous êtes en sécurité. Malgré le double regard qui doit vous importer, c'est celle qui vous a mis au monde. Montrez-lui alors loyal que dans cette life vous êtes capable de gagner quelques rounds. Vous avez même sang que moi, donc les mêmes possibilités. Servez-vous de mes fautes pour en faire une habilité. Vous avez même sang que moi, donc les mêmes possibilités. Servez-vous de mes fautes pour en faire une habilité. C'est les conseils d'un oncle avec peu d'expérience. D'expérience. Faut pas suivre la tendance. J'ai pas envie de vous aborder mes remords malgré mon petit dos. Je vous remorque. C'est les conseils d'un oncle avec peu d'expérience. D'expérience. Faut pas suivre la tendance. J'ai pas envie de vous aborder mes remords malgré mon petit dos. Je vous remorque. Bonjour, c'est Mamie. Accrochez-vous, on pense à vous, on vous aime très fort et on espère avoir de vos nouvelles, des bonnes nouvelles et que tout se passe bien chez vous. Surtout, ne perdez pas espoir car dans la vie, il faut s'accrocher et vous êtes des battantes. Alors, on vous fait de gros bisous et on vous dit à bientôt. N'oubliez pas de m'envoyer des petits SMS. Allez, gros bisous de la famille, à bientôt. Je voudrais en placer une, voudrais en placer une, non. Pour mes grandes sœurs, je voudrais en placer une, voudrais en placer une, yeah. Pour mes grandes sœurs, je voudrais en placer une, voudrais en placer une, voudrais en placer une. Pour mes grandes sœurs, je voudrais en placer une, voudrais en placer une. Non, non, pour mes grandes sœurs. C'est des faux, faut essayer. servir comme une qualité et s'approcher un maximum de la perfection. Réveillons-nous, Sancho, réveillons-nous, Sancho, c'est tonton au micro.